Salut, c'est Mike l'écuyer pour l'émission Blues Covers. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me. Showing up after me, showing up after me. Oh love, oh love, showing up. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Oh well, he's a. C'était Muddy Waters, le titre Rolling Stone. Eh oui, ce sont des blues covers en plusieurs parties consacrées aux Rolling Stones, au blues des débuts des Rolling Stones. Et là, ils n'ont jamais repris ce titre de Muddy Waters, mais c'est encore plus fort, c'est ce morceau qui leur a donné l'idée à Brian Jones de s'appeler les Rolling Stones. Car lors d'un de leurs premiers concerts, l'organisateur leur demande comment ils s'appellent et Brian Jones se rappelle de ce disque de Muddy Waters qu'il aperçoit et il dit « les Rolling Stones ». Alors à l'époque, c'était sans le G, c'est-à-dire I-N apostrophe. Et puis peu de temps après, ils ont changé pour mettre le G et avoir le nom entier « The Rolling Stones ». Nous sommes donc en 1962. En 1963, il commence à faire des démos et un premier simple paraît « Come On », une composition de Chuck Berry. Et puis ensuite, un deuxième single avec une composition des Beatles, « I Wanna Be Your Man », toujours en 1963. Et puis arrive en 1964 le début des choses sérieuses avec « Not Fade Away »,« Carol »,« It's All Over Now », etc. Et leur premier 33 tours, « The Rolling Stones ». Alors les titres, là, c'est un petit peu compliqué. En Angleterre, ça s'appelle « The Rolling Stones ». Aux États-Unis, ça s'appelle « England's Newest Hitmakers ». Et en France, eh bien, il n'y a même pas le nom sur le recto de la pochette. Il a fallu retourner le disque pour découvrir le nom sur le verso. Et c'est ainsi que j'ai découvert le premier 33 tours des Rolling Stones. Un samedi matin, j'étais donc au Bon Marché, en train de regarder les disques, et je vois, je l'ai déjà raconté, hein, mais je ne m'en lasse pas, je vois cette magnifique photo de Nicholas Wright. Je me suis dit, oh là là, la musique doit être vachement bien. Rien qu'avec leur tête, je me suis dit ça. J'ai donc acheté le disque, je suis rentré chez moi, et là, je suis tombé en pâmoison devant ce groupe, les Rolling Stones, et ils étaient en train de créer un nouveau son. Pour preuve, il vous suffira de comparer, hein, en cherchant sur YouTube ou autre, c'est facile maintenant avec Internet, de comparer les versions originales avec les versions des Rolling Stones. Alors sur ce premier 33 tours, eh bien, il y a beaucoup de blues, donc on commence le premier morceau, c'est historique, le premier morceau du premier 33 tours des Stones, c'est Route 66, une composition de Troop. Looks like so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. Want to get hip to this kind of tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Looks so, so pretty, y'all see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. Would you get him to this kind of tip and go take that California trip? Get your kicks on Route 66. Well, get your kicks. On continue avec I Just Want to Make Love to You, composition de Willie Dixon. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. I don't want, cause I'm sad and blue. I just wanna make love to you, baby. Love to you, baby, love. On continue l'exploration du blues chez les Rolling Stones dans ce premier 33 tours avec Mick Jagger, chant et harmonica, Brian Jones, chœur, guitare et harmonica, Bill Wyman, chœur et basse, Charlie Watts à la batterie et bien sûr Keith Richards, sans S à l'époque, à la guitare et au chœur. Et on les écoute dans une composition de Jimmy Reed, Honest I Do. Don't you know that I love you? Honest I do. Voici maintenant un de mes morceaux préférés de ce premier 33 tours des Stones, I'm a King Bee, une composition de Moore, James Isaac Moore. Mais qui c'est-il donc? Eh bien, c'est tout simplement le vrai nom de Slim Harpo. I'm a King Bee. Well, I'm a King Bee, buzzing around your hive. Well, I'm a King Bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king, babe, want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby, want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Sting it then. I'm a king bee, baby, can buzz all night long. Yeah, I can buzz better, baby, when your man is gone. Thank you. suivant les pressages, anglais, américain ou français, le titre diffère légèrement. C'est une composition de Bo Diddley, ça s'appelle Mona ou I Need You Baby, ou les deux. Walking the Dog, c'est une composition de Rufus Thomas et je ne vais vous en passer qu'un petit extrait car ça fait déjà l'objet d'un blues covers. Voici donc Walking the Dog, le dernier morceau de ce premier 33 tours des Stones. Baby back, dressed in black, silver buttons all down her back. Toujours en 1964, est paru uniquement en France et en Allemagne un 33 tours qui s'appelle Around and Around. C'est pas mal ça pour les collectionneurs. Bref, on va un petit peu du côté plus rock'n'roll avec Chuck Berry, Around and Around. I said the joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And the never stopped rocking till the moon went down. Well, it sounds so sweet, I had to take me a chance. Rose out of my seat, I just had to dance. Started moving my feet, oh, the clap of my hands. I said the joint was rocking. Packed. Front doors was locked. Yeah, the place was packed. And when the police knocked, those doors flew back. But they kept on rocking. Maintenant, une composition de Jay McShann et Walter Brown, Confessing the Blues. Alors, je suis allé sur Internet écouter la version originale en 78 tours. Eh bien, c'est sacrément différent. Hein, voilà. Là, ce sont les Rolling Stones en 1964. Confessing the Blues. Song. It proves that I'm in heaven, mama, when you hold me in your arms, yeah, baby. Can I have you for myself? Yeah, if I can't have you, baby, I don't want nobody else. On va terminer ce Blues Covers, enfin cette première partie consacrée au blues des premiers disques des Rolling Stones, avec leurs deux premiers numéro 1 en 1964. Tout d'abord, It's All Over Now, qui a été popularisé par Bobby Womack. It's All Over Now. Stay out all night long. She made me cry. She done me wrong. She hurt my eyes open. That's no lie. Tables turning now. Her time to cry. Because I used to love her, but it's all over now. Because I terminer ce Blues Covers avec leur second numéro 1, c'est-à-dire Little Red Rooster, fin 1964. C'est une composition de Willie Dixon, tout d'abord interprétée par Howling Wolf, sous le titre Red Rooster. Mais chez les Rolling Stones, c'est devenu The Little Red Rooster. Bye bye et à la prochaine. Too lazy to crow for day. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. Keep everything in the farm gone. Upset in every way. dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't had no peace in the farmyard since my little red rooster's been gone. C'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.